Yeah, ok. Hip hop infanterie. Yeah, hip hop infanterie. Ouais, les soldats du 8-900. Ah, on est là sur la mixtape. Normal, toujours. Ok, ok. C'est du lourd. Du lourd, frère.